tombée de jour. Qu'a-t-on devant soi qui ne se perde au cœur de neige noire? Tous les chemins tracés par le lever du jour, les avoines qui tombent, les mots, la lumière durcit son visage, le tremble secoue leur âme dont il tombe quelques feuilles mortes. Plus rien n'est bleu dans l'immense. Notre ombre seule se couche entre les pierres, en chantonnant, comme on étouffe à l'enfant son désir. Sure.